Bonjour à vous tous et merci de nous rester fidèles. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les titres. Le désistement des fournisseurs de maïs est à l'origine de l'insuffisance de cette denrée aux écoles et en les cantines scolaires. Vous aurez les détails avec le directeur général des cantines scolaires au ministère de l'Éducation nationale de la recherche scientifique. Et le ministère de l'Environnement, Agriculture et Élevage a prolongé le délai de paiement de l'avance pour l'engrais jusqu'au 11 courant. Il invite tous les responsables impliqués de sensibiliser tous les cultivateurs concernés. Et dans cette édition, vous en avez l'habitude de tous les mardis, la chronique santé sera centrée sur le stress professionnel. Voilà pour les titres. Bienvenue pour les détails. Eric Ouimana assure la mise en onde. À la présentation, vous êtes avec Moïse Misago. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Justice pour commencer cette édition. Certains ambassadeurs accrédités à Bujumbura trouvent que la justice burundaise n'est pas indépendante selon les rapports des organisations de défense des droits de l'homme qu'ils reçoivent. Révélation soulevée ce jeudi soir lors d'une réunion que la ministre de la Justice a organisée à l'intention de ses ambassadeurs. La ministre de la Justice a rassuré que la justice burundaise est indépendante tout en indiquant que les producteurs de ces rapports ont l'intention de ternir l'image du pays. Le point avec Marie-Claire Kazeneza. Lors de cette réunion que la ministre de Justice, Domine Banyankimbona, a organisée le soir de ce lundi, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Burundi a soulevé ses inquiétudes sur l'ingérence de la justice burundaise par des hauts cadres de l'État. Au Burundi, il y a des cours, des juges qui sont susceptibles de l'influence, particulièrement dans les cas de, concernant les personnes qui sont puissantes ou des cas concernant le droit de l'homme. Quelles sont les étapes concrètes pour rendre plus indépendant le cours et aussi le juge pour qu'on puisse cesser d'influence dans les décisions des cours, des juges qui doivent être décidés seulement selon les faits qui ont été présentés dans les cours? Cela, la ministre de la Justice rassure que la justice burundaise est indépendante. Moi, je dirais que les juges sont indépendants et cette indépendance dépend de la personnalité de l'un ou l'autre. J'ai toujours été au sein du ministère de la Justice. J'ai toujours œuvré en tant que juge au sein du pouvoir judiciaire. Et quelqu'un qui dit qu'il n'est pas indépendant dans sa façon de faire, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec lui. Peut-être qu'il a d'autres visées. Sinon, les juges, en travaillant, ils sont indépendants. Selon l'ambassadeur d'Allemagne au Burundi, des rapports des organisations des droits de l'homme révèlent des corps humains qui sont enterrés sans mener des investigations pour connaître les auteurs de ces crimes. Nous sommes confrontés en tant qu'ambassade d'Allemagne avec des rapports réguliers des organisations non gouvernementales dans le domaine des droits de l'homme qui, à notre avis, sont tout à fait crédibles. Presque tous les jours, donc c'est ma lecture régulière. Je lis des cas où il y avait des corps sans vie retrouvés pour la plupart du fleuve de Ruzizi qui sont enterrés sans même essayer de les identifier. Ma question, c'est comment est-ce que vous allez attaquer ce phénomène? J'ai aucun doute là-dessus qui existe dans le pays. À cela, la ministre Banyankimbona répond que cette situation n'est pas généralisée, tout en précisant que la volonté du gouvernement est de lutter contre l'impunité. Il y a des gens qui violent les droits de l'homme et quelquefois, il y a des individus qui se trouvent morts et qui sont enterrés sans toutefois engager des enquêtes pour connaître les vrais auteurs. On ne peut pas dire que c'est une situation généralisée au Burundi. Ce sont des cas qui se présentent, mais le Burundi a toujours essayé, tant bien que mal, de lutter contre l'impunité. Pour trouver solution aux problèmes qui surgissent plus souvent dans le secteur de la justice, la ministre de la Justice fait savoir que le Burundi a songé de mettre en place une commission indépendante de lutter contre la violation des droits de l'homme. Merci Marie-Claire Kazeneza. Un élève de la 9e année en commune Gihanga est détenu au commissariat communal de Gihanga depuis ce lundi. Ce jeune garçon de 17 ans avait été arrêté la semaine dernière et relâché pour aller passer le concours national de la 9e année. Ses parents plaidaient pour l'innocence de leur fils alors que le plaignant se lamentait des relations de sa fille avec ce garçon qui est même accusé de tentative d'enlèvement. à la police et au parquet de Bubanza. On indique qu'on est en train d'enquêter sur le cas. Et le commissaire de l'Union africaine en charge des affaires politiques et sécuritaires apprécie la préoccupation du Burundi par rapport à l'insécurité grandissante à l'est de la RDC. Il a dit ce mardi dans une audience lui accordée par le président burundais Evariste Ndayishimiye au palais de Gitega. Cette personnalité a adressé ses condoléances au numéro 1 burundais suite au décès des militaires burundais en mission de maintien de la paix en Somalie. Et le chef d'état-major de la Force de défense nationale est en visite en Somalie pour rencontrer les troupes burundaises en mission de maintien de la paix au sein de l'ATMIS ex-AMISOM. Le général Prim Niyongabo a précisé ce lundi qu'il va encourager le contingent burundais et l'appeler à suivre la loi au cours de leur mission. Selon le centre d'information de l'ATMIS, ce mardi, le chef d'état-major a rencontré les troupes burundaises opérant dans le secteur 5, notamment Diawar, pour se rendre compte des conditions de vie. Il a également visité les zones de Mahadei, Adale et Maslar en compagnie du général de brigade Eli Ndizigiye, commandant du contingent burundais. Ce déplacement du général Prim Niyongabo vient après que les militaires burundais basés à Silbaraf, au nord de Mogadiscio, la capitale somalienne, aient été attaqués par les Al-Shabaab le 27 avril de cette année. Un communiqué du ministère burundais de défense a parlé de 10 militaires tués et 5 disparus et 25 blessés. À 13h03, et poursuivons cette édition. Les écoles à cantines scolaires n'ont pas été approvisionnées en vivres au complet suite au désistement des fournisseurs. Ceci est dit par Liboire Bigrimana, directeur général des cantines scolaires au ministère de l'Éducation nationale de la recherche et scientifique. C'est après qu'il a été remarqué que l'OPAM n'a pas approvisionné que du haricot. Suivez-le. Au départ, il y a eu une passation de marché qui a été faite par le programme alimentaire mondial à l'endroit de certains fournisseurs de céréales, notamment le maïs. Mais par après, il s'est avéré que les contrats signés ont été infructueux parce que selon les raisons avancées par les fournisseurs, il se pourrait qu'ils disent que finalement on n'a pas pu avoir la cargaison nécessaire parce que, disent-ils, le prix n'a pas été à leur satisfaction. Ils avancent aussi la raison qu'au moment des commandes, qu'on était en cours de campagne de récolte du maïs et qu'il était difficile de pouvoir avoir les cargaisons qui se trouvent dans la lettre de commande leur remise par le programme alimentaire mondial. On sous-entend que les premiers fournisseurs se sont désistés. Quelles sont les perspectives pour que ce problème ne puisse se répéter? Après avoir constaté le désistement de certains fournisseurs par rapport aux commandes qui avaient faites à leur égard pour les céréales, c'est qu'on a dû penser qu'il fallait approcher la NAGESA, qui est un organe de collecte des vivres pour le compte de l'État. Une lettre dans ce sens a été écrite par l'OPAM et envoyée à la NAGESA pour lui demander de disponibiliser pour l'année 2022, l'année 2023 et 2024 une cargaison de plus de 17 247,8 tonnes de céréales, ici je cite le maïs, et environ 7221,4 tonnes de haricots. Et cela va nous permettre d'éviter au grand maximum les problèmes de coupure d'approvisionnement dans les écoles remarquées et dans les années antérieures et pendant cette année. La radio de l'avenir. À 13h06, et poursuivons cette édition. Le ministère ayant l'agriculture dans ses attributions a prolongé le délai de paiement de l'avance pour l'engrais chimique jusqu'au 11 juin courant. Dans un communiqué sorti le 6 courant, le ministère invite les responsables de l'administration de l'agriculture à sensibiliser les agriculteurs pour qu'il n'y ait plus de retardateurs. Ce prolongement intervient après que les agriculteurs de la province Bubanza aient demandé au ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage de prolonger le délai de paiement de l'avance pour l'engrais chimique pour la saison culturale C. Poursuivons cette édition. Le commerce frauduleux du café burundais serait lié à son prix bas au niveau local comparativement à celui de la sous-région, constat du président de la Confédération des organisations des caféiculteurs burundais lors d'une conférence de presse ce mardi. Jean-Pierre Ntabomenyereye trouve que 2000 francs par kilo de café cerise encouragerait son entretien. Néanmoins, il déplore cette vente frauduleuse. Je propose de le suivre. Ses propos ont été évoqués par Vestine Boutoy. Au nom de la Confédération des associations des caféiculteurs du Burundi, je condamne fermement le commerce frauduleux du café burundais vers d'autres pays. Toutefois, en analysant les efforts fournis dans l'entretien du café et en comparant le prix du café burundais à celui des autres pays, par exemple au Rwanda, 9 000 francs par kilo, 10 cafés parche, et en Tanzanie, 7 500. Nous souhaitons que le caféiculteur burundais reçoive le même prix que les autres. Le café burundais a une première place au niveau international, alors le caféiculteur burundais doit percevoir au moins 2 000 francs par kilo de café cerise, ce qui équivaut à 10 000 francs bou par kilo de café parche. Dans ce cas, il sera dans les mêmes conditions que les caféiculteurs de la sous-région. Le marché situé sur la colline Ruirizi, en zone Ruirizi, commune Mutimbuzi, est en cours de modernisation. Les commerçants œuvrant dans ce marché saluent ce projet de moderniser ce marché qu'ils trouvent bénéfique. Selon eux, ce marché en cours de modernisation va constituer un centre d'arrivée des denrées alimentaires en provenance de l'intérieur du pays. Ils demandent toutefois aux chargés des travaux de les finaliser avant la saison pluvieuse. Le point avec Jean-Claude Nzambimana. Ce marché en cours de modernisation a une longueur de 96 mètres et de 48 mètres de large. Les activités ont commencé au mois de mars dernier. Une partie de ce marché est déjà pavée. Le pavage sera suivi de la construction des stands. Les commerçants œuvrant dans ce marché saluent l'initiative de moderniser ce marché. Nous avons bien accueilli le projet de moderniser ce marché car pendant la saison pluvieuse, nous travaillions dans la boue. Il n'y avait pas de clients parce qu'ils échappent à cette situation. Lorsque nous voyons notre marché en cours de construction, nous espérons avoir des clients. Ceux qui allaient s'approvisionner en ville pourront venir ici. Quand nous nous comparions aux autres marchés, nous étions vraiment en arrière. Au moment où le président du Sénat, Emmanuel Sinzo Aguera, avait promis le 28 mai dernier le projet de faire son marché en point d'arrivée des denrées alimentaires en provenance de l'intérieur du pays, les commerçants trouvent bénéfique ce projet uniformisé à Nèvre. À partir d'ici au marché de Kotebu, nous payons le double du transport. D'abord, du marché jusqu'à l'endroit dit Kwa Commune et de là jusqu'à l'Ubilidi. Nous dépensons énormément en déplaçant nos marchandises. Si nous nous approvisionnons ici, ça sera plus économique. Ces commerçants demandent aux chargés des travaux de fournir plus d'efforts pour terminer avant la saison pluvieuse. Qu'ils fournissent plus d'efforts pour que nous ayons le nouveau marché modernisé avant la saison pluvieuse. C'est pour le bien-être de la population en général, des commerçants et des consommateurs en particulier. Si le projet de faire son marché en carrefour des denrées alimentaires au niveau de l'administration communale, il fait savoir que ça reste un projet. On attend une décision finale. Merci Jean-Claude Nzambimana. Revenons sur l'élément du commissaire de l'Union africaine en charge des affaires politiques et sécuritaires qui apprécie la préoccupation du Burundi par rapport à l'insécurité grandissante à l'est de la RDC. Il a dit cela ce mardi dans une audience lui accordée par le numéro 1 burundais Evariste Ndayishimiye au palais de Gitega. Cette personnalité a adressé ses condoléances au numéro 1 burundais suite au décès des militaires burundais en mission de maintien de la paix en Somalie. Suivez à ce propos, Gonzague Patrick Balagizi, chef ad intérim du bureau de liaison de l'Union africaine au Burundi. Donc, j'ai accompagné le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, justement dans l'audience avec le président de la République, qui a constitué surtout en trois points. Le premier, c'était transmettre les salutations chaleureuses du président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, au président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, et aussi l'encourager n'est-ce pas, pour les acquis que nous observons, les acquis dans le domaine de démocratie après les élections de 2020, mais aussi son rôle en amenant les jeunes à travailler pour la consolidation de la paix et la réconciliation au Burundi. Deuxièmement, c'était beaucoup plus encourager le Burundi pour son rôle dans la lutte contre le terrorisme en Somalie, mais aussi son rôle en Centrafrique et les troupes du Burundi, qui sont des contingents et qui travaillent pour lutter contre le terrorisme en Afrique. Mais c'était aussi une opportunité de présenter des condoléances pour les militaires burundais, des héros burundais justement, qui ont donné leur vie en combattant le terrorisme, ce qui est un signe justement du Burundi, même si on dit que c'est un petit pays, mais au grand cœur, et qui veut, en solidarité avec les autres pays africains, combattre le terrorisme, mais aussi les groupes armés sur le continent. Et en troisième lieu, c'était justement encourager ou demander le soutien du Burundi pour la paix et la stabilité dans la région de Grand Lac. Et quel rôle le Burundi peut jouer dans la lutte contre les groupes armés et les forces négatives? Actualité internationale. En international, c'est pour une première historique, le monarque belge, le roi Philippe, est en visite officielle en République démocratique du Congo à compter de ce mardi 7 juin. Ce déplacement a été reporté à plusieurs reprises, notamment en raison de la pandémie, mais cette fois accompagné de la reine Mathilde et le premier ministre Alexandre Ducro. Le roi Philippe se rend en RDC pour 6 jours. Il débute aujourd'hui par la capitale Kinshasa, puis Lubumbashi et Bukavu. Au Mali, la junte fixe à 2 ans le délai avant le retour des civils au pouvoir. Le décret signé par le chef de la junte au pouvoir, le colonel Assimi Goïta, a été lu ce lundi soir à la télévision d'État malienne. Un pas en avant car en début de l'année, les militaires projetaient de diriger le Mali jusqu'à 5 ans et la CEDEAO a adopté des sanctions très dures contre Bamako. Radio Isanganiro, chronique santé. Le stress professionnel est un ensemble de réactions physiques et émotionnelles de l'organisme par rapport à une situation particulière dans le monde professionnel. La psychologue clinicienne Deborah Irakiza indique que les causes liées à ce stress sont variées, dont le surmenage au travail et ne pas savoir prioriser. La personne vivant dans ces conditions se manifeste par différents signes comme avoir souvent des maux de tête, voire la migraine. La chronique santé avec Ornella Mucho. Le stress professionnel est un déséquilibre entre ce qu'on demande à une personne de faire dans le cadre professionnel et les ressources dont la personne dispose pour y répondre. Deborah Irakiza, psychologue clinicienne, indique qu'il y a différents facteurs favorisant ce stress, comme la surcharge du travail. C'est le surmenage au travail, le fait de ne pas savoir prioriser les tâches qu'on a à faire au travail et le fait de ne pas se reposer a vraiment une influence très très particulière par rapport au stress professionnel et aussi une pression au travail quand tu subis une pression et que tu n'arrives pas à demander de l'aide à tes collègues. Ça va vraiment avoir une influence sur le stress professionnel. Et le fait de ne pas bien s'alimenter à des heures précises, ça va causer aussi le stress professionnel. Pour le reconnaître, il se manifeste par quelques signes, comme la fatigue chronique. C'est cette sensation d'épuisement, de fatigue excessive qui est permanente. La personne, elle est là, elle semble fatiguée tout le temps. Il y a aussi les vertiges, des maux de tête incessants. Il y a un comportement qui tend vers la dépression. Il y a aussi les crises de colère et les larmes qui sont fréquentes. Ceux qui restent dans des bureaux ou ceux qui utilisent beaucoup plus la réflexion sont les plus touchés par rapport aux autres. Les personnes les plus touchées par ce stress sont des personnes en milieu de travail de bureau. Parce que les travaux manuels, disons, ils sont souvent faits en équipe. Donc quand on est en équipe, il y a cet esprit de motivation mutuelle qui va détendre l'atmosphère et qui va éviter à la personne d'avoir ce stress. Il y a cet esprit de travailler individuellement qui va amener la personne à utiliser beaucoup plus la réflexion. Ça ne va pas faciliter la discussion entre collègues de bureau, je dirais. Et ça, Généralement, pour les personnes qui sont introverties, qui ne s'ouvrent pas facilement aux autres, ça va être un facteur de stress professionnel. Déborah Irakiza, psychologue clinicienne, proposera la meilleure façon d'organiser le travail pour justement éviter ce stress professionnel. Merci Ornella Mucho et à la clinicienne Déborah Irakiza. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Eric Uimana pour la mise en onde. Le programme continue sur Isanganiro. Gardez l'écoute. Au revoir.